La Nature et moi, le jeudi de 17h30 à 18h. Bienvenue à tous dans La Nature et moi, l'émission qui vous permet d'exprimer votre émotion face à ce bouleversement climatique et de partager vos engagements envers cette belle planète. Aujourd'hui, je suis heureuse d'accueillir Éric Muscat. Bonjour. Bonjour. Alors, Éric est un père de famille et un citoyen actif sur Nancy. Alors, tout d'abord, tu as créé un groupe Vert Jaune Nancy qui se veut relier les gilets jaunes et les écologistes autour d'un même combat, mais tu es aussi dans le groupe Gilets jaunes Nancy Porte Sud. Oui, c'est ça. Moi, je n'ai pas créé le groupe Vert Jaune, il s'est créé à partir de rencontres qui se sont faites autour du mouvement des gilets jaunes et autour des écologistes. D'accord. Et comment ça se passe, en fait, ces groupes? Comment ils arrivent à se rencontrer? Est-ce qu'il y a des moments de rencontre, enfin de... Alors, la vocation du groupe Vert Jaune, c'était l'idée, de base, c'était de se dire qu'il y avait un mouvement citoyen qui émergeait avec les gilets jaunes, ouais. Et que les problématiques qu'ils mettaient sur la place publique, leurs soucis... était relié fortement, en fait, nous, c'est comme ça qu'on l'a perçu, était relié aux problématiques qu'avaient les écologistes, parce que les causes, finalement, sont les mêmes. Mmh. Alors, ouais. Qu'au début, c'était évidemment pas évident. Enfin, c'était... les gilets jaunes n'étaient pas forcément très enclins à se tourner vers les écologistes, et inversement. Et donc, nous, c'est... Faisant ce constat qu'on a essayé d'aller déjà rencontrer les écologistes, d'aller rencontrer les gilets jaunes et de voir comment on pouvait favoriser la rencontre entre ces personnes qui parfois sont les mêmes et puis parfois sont pas les mêmes. Voilà. D'accord. Bah, c'est bien déjà d'essayer de faire discuter, on va dire, dialoguer, parce qu'on est un peu tous dans le même bateau, disons. Alors aussi, avec d'autres personnes, tu as mis en place sur le marché de Vendeuvre un concept particulièrement intéressant, je trouve. Alors je vais essayer de décrire cette action, tu me diras si je le fais bien. Alors tout d'abord, en fait, vous écrivez une question sur une pancarte pour interpeller les passants. C'est ça. Après, l'échange se fait vraiment par l'écriture. Les passants notent leurs réponses sur cette même pancarte. Non, pas tout à fait. Sur une autre pancarte. En fait, donc c'est un dispositif qui s'appelle les porteurs de parole. D'accord. C'est un dispositif qui est connu, qui est employé par plusieurs structures. On l'a pas inventé nous-mêmes. D'accord. Mais alors, cette action, on l'a menée dans le cadre des Gilets jaunes Nancy Porte Sud. Ok. C'est donc un petit groupe de Gilets jaunes. Auquel donc j'appartiens et qui essaye de mettre en œuvre des actions autres que manifester, même si manifester, oui, exprimer sa colère, c'est on va dire l'acte fondateur des Gilets jaunes, mais on pense qu'il y a d'autres manières d'avancer, mm-hmm. Et en particulier ici, voilà, cette action, c'est inviter les gens dans la rue à s'exprimer et à réfléchir sur les problématiques, voilà. Donc en fait, on met une question sur un grand panneau, ouais, sur un grand carton, et ensuite, on interpelle les gens, on leur dit « Mais alors vous, qu'est-ce que vous en pensez ?» Alors par exemple, la première question, c'était « Citoyen, si vous aviez le pouvoir, que feriez-vous » Waouh. Alors, grande question, vaste question. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on commence par discuter vraiment avec les gens. On prend le temps, pendant un quart d'heure, 20 minutes, de discuter en tête-à-tête, on va dire, deux à deux, quoi. Et une fois que les gens commencent à vraiment rentrer dans une réflexion personnelle, là, on note des idées qu'ils émettent, et ensuite on leur demande s'ils veulent bien qu'on les reproduise sur un carton à côté de la question. D'accord. Et donc en fait, à la fin, on a la question qui est affichée et plein de cartons avec plein de contributions des citoyens. Et on marque leurs idées, et ça crée une émulation avec les autres passants qui voient aussi les réponses et qui ont envie de s'impliquer. Alors par exemple, sur la question citoyens, si vous aviez le pouvoir, que feriez-vous? Eh bien, on a eu comme réponse, par exemple, je supprimerai les voitures et les portables qui devraient être là pour nous aider et non pour nous empoisonner. Wow. Laetitia, 38 ans. Okay. Ouais. Il faut boycotter les marques des sociétés qui ne payent pas leurs impôts en France. Loïc, 40 ans. Ouais. La première des censures, c'est l'autocensure. Exprimez-vous, c'est le droit. Michel, 66 ans. Voilà. Si j'avais le pouvoir, je le rendrais au peuple. Roland, 69 ans. Wow. Roland, c'est bien. Roland, président. Ok, et donc il y avait d'autres réponses aussi enfin que tu voulais nous partager? Ah ben, on a fait une deuxième opération donc fin juin. Parce que c'est en fait c'est quel jour ça se passe le marché de vendeurs en fait? Ça se passe au marché de vendeurs donc le dimanche matin. D'accord. On l'a fait deux fois hein, ouais. Sur le printemps 2019 là. Donc la deuxième opération c'était la question c'était pour moi bien vivre c'est trois petits points. Wow. Donc c'est une question autour du qu'est-ce que c'est le buen vivir, comme on dit. Ah ouais. Là, il y a eu des réponses. Alors, c'était bien vivre, c'est sortir de chez soi, aller à la rencontre des gens, être dans la nature. Claude, 67 ans. Wow. Ouais. Ce qui compte, c'est la santé, l'argent. Pardon, c'est la santé. L'argent n'est pas le remède miracle. Monique, 71 ans. Je peux te dire aussi. La liberté de s'exprimer et recevoir une bonne éducation. Tony, Geoffroy, 28 ans. Ok. Voilà. Ah par ouais, exemple. Mais on en avait des dizaines, hein, à chaque fois. D'accord. Ouais, c'est intéressant parce que là, on voit que les gens sont vraiment sensibles et ont envie de s'exprimer sur tout ça, quoi. Ça leur parle, quoi. Non, c'est ça. Ouais, y a une vraie envie de s'exprimer. Mm. On souhaiterait. Alors, notre groupe continue à réfléchir à d'autres actions. Et pourquoi pas faire demain une assemblée citoyenne à Nancy, à Vendeuvre, ouais. Où les gens pourraient s'exprimer sur des sujets comme ça en groupe, ouais. Et non pas individuellement. Ça peut être intéressant. Ouais, bah on lance l'appel. Voilà. alors je vais passer en fait directement à ton souvenir fort, qui est un séjour au Québec en automne 2001. Ouais. C'est ça. Et tu as pu découvrir avec enchantement de vastes étendues sauvages que réserve le Québec à celui ou celle qui se sent proche, assez proche de la nature pour en apprécier toute la beauté. Et donc c'était lors d'un séjour professionnel dans un centre d'animation scientifique. Et pour toi, donc ça s'est passé lors d'un dimanche, en fait, sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent à Rivière-du-Loup. Alors, Rivière-du-Loup, pour moi, c'était une rivière. Mais apparemment, non, c'est le nom d'une ville du Québec, oui. Située sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent, à 200 km au nord-est de la ville de Québec. C'est ça, oui. Et donc là, t'as fait souvent des promenades et il y a eu un soir où t'as écrit un poème. Oui, c'est vrai. Alors, il faut dire que ouais. Moi, je suis resté effectivement 3 mois dans cette région du Bas-Saint-Laurent, autour de Rivière-du-Loup, et j'ai été vraiment subjugué par les immensités de la nature, même pourtant que c'est pas le coin le plus sauvage du Québec. Hein. Si on va dans le nord, c'est encore plus sauvage, mais rien que là, c'était impressionnant de voir ces forêts à perte de vue. J'ai le sentiment de perdre mes repères par rapport à ce que je connaissais. Ouais. Et j'avais des émotions qui étaient particulières par rapport à ces immensités, à la fois l'immensité du fleuve, l'immensité de la forêt, l'immensité des routes, même l'immensité des champs, c'est fabuleux, quoi. Ouais. Et donc voilà, j'avais en plus la chance de pouvoir aller me balader sur mon temps libre, j'avais une voiture à disposition, et puis alors tout seul ou avec d'autres personnes. J'allais me balader, donc je logeais à l'auberge de jeunesse de Rivière-du-Loup, et c'était un souvenir absolument fabuleux de croiser des jeunes de mon âge aussi dans cette auberge. Voilà, donc un jour, au mois de novembre, vous êtes plus très beau, j'étais allé me balader au bord du fleuve Saint-Laurent, près de Kamouraska, et voilà. Et ensuite, en rentrant à l'auberge, j'ai écrit alors c'est pas vraiment un poème, mais c'est un texte en tout cas, ouais. qui relate les émotions que j'ai ressenties. Donc finalement, pour faire part de ces émotions, je vais lire ce texte, si tu veux bien. Donc, balade dominicale. Partir en promenade le long du fleuve. Vouloir prendre le fleuve à bras le corps. Aviser un îlot rocheux proche de la rive. Est-ce une île, une presqu'île? S'en approcher en pestant contre le vent et les embruns. Son insularité dépend de la marée et des bottes à vos pieds. À cet instant présent, c'est indéterminé. Une longue bande d'herbes inondées. Est-ce un bras de terre ou de mer? Ne plus réfléchir. Courir droit vers l'île à travers l'herbe noyée. Laisser les eaux envahir les pieds et les mollets. Ne pas trébucher. L'île est proche, ça va passer. Visiter les lieux. Des amas de rochers, quelques conifères, des broussailles. Pas le temps de rêver, la marée n'attend pas. Revenir sur ses pas, à nouveau courir sans faillir dans la batture inondée. La terre ferme, reprendre son souffle. Poursuivre son chemin. vouloir prendre la forêt à bras le corps. Aviser une colline boisée, rocailleuse et sauvage, dominant le fleuve. Que voit-on depuis son sommet ? Personne ne semble s'en soucier. Aucun chemin. Ne plus réfléchir, partir en azimut, droit vers le sommet. Traverser les broussailles, pester contre les épinettes aux branches emmêlées. Sentir la résine sur ses mains, escalader les rochers chaotiques, courir sur les dalles de pierre recouvertes de lichens. Et enfin, se hisser sur le plus haut rocher, en compagnie de quelques arbustes. Scruter l'horizon, le fleuve, les îles pèlerins, la côte nord au loin. Pas le temps de rêver, la nuit arrive. Redescendre la colline en courant, à nouveau zigzaguer entre les sombres conifères, s'agripper aux racines, du pied chercher les failles dans les rochers. La voiture, reprendre son souffle. La nuit s'est installée, rentrer à l'auberge. Ouais, bah j'ai fermé les yeux et ouais, c'est... Tu t'y croyais ? Je m'y croyais, ouais. Voilà, il y avait cette envie de pouvoir rentrer dans le paysage quelque part. Je me sentais parfois extérieur à ce que je voyais et j'avais envie d'être dedans, en fait. Mm. C'est un peu ce que j'ai fait là, dans un instant de folie. Ouais, ouais, c'est bon, des instants de folie comme ça. Ouais, ça... On adore. Bah, je vais passer à la musique. Oui. Ouais. Je vais passer à l'intermède musical et tu nous en diras un petit peu plus sur cette chanson. Ça s'appelle Les Colocs et leur morceau, c'est Paysage. On va rajouter un poème. Je vais faire un petit poème de Baudelaire maintenant. Chastement mes églogues, coucher auprès du ciel comme les astrologues, et dessous des clochers écouter en rêvant leur hymne solennel emporté par le vent. Les deux mains ont entendu haut de ma mansarde, je verrai l'atelier qui chante et qui bavarde, les tuyaux, les clochers, les mâts de la cité, et les grands ciels qui font rêver comme il est doux à travers les brumes de voir naître l'étoile comme il est doux. À travers les brumes, de voir naître l'étoile. Son pâle enchantement. Je verrai de printemps des étés les automnes, et quand viendra l'hiver aux neiges monotones, je fermerai partout portières et volets pour bâtir dans la nuit mes féeriques palais. Alors je reverrai mes horizons bleuâtres, mes jardins des jets d'eau pleurant dans les. Comme il est doux à travers les brumes de voir naître l'étoile. Comme il est doux à travers les brumes, de voir naître l'étoile comme il est doux. À travers les brumes, de voir naître l'étoile comme il est doux. À travers les brumes, de voir naître l'étoile. Vous allez vous gagner, vous gagnez à votre mot. Bobadinga hamne bubi yalla yalla momi kesse la jeli rama tumba lepp mu meuna don bu sabbi nga xamni ni la taw yaay di ba di lepp lo xamni man na war na ko meuna don ak rabbi ay yow ni la taro wo ni la taro ak rabbi yow ni la taro wo ni la taro ak rabbi yow ni la taro wo Nous venons d'écouter les colocs et leur morceau qui s'appelle Paysage. Alors vous êtes sur Fadjet dans l'émission La Nature et moi, où chaque invité partage ses engagements pour la planète et son souvenir marquant face à la nature. Eric donc, est un père de famille et un citoyen actif sur Nancy, et il nous a fait écouter ce morceau, les colocs. Alors dis-nous-en un peu plus. Oui, alors j'ai choisi ce morceau parce que ben, à la fois c'est... le titre s'appelle Paysage, et dans ce morceau, donc... il y a une description de paysage qui est à la base un poème de Baudelaire qui décrit un paysage plutôt urbain, mais finalement il fait part de ses émotions par rapport à ce paysage, donc je trouvais que c'était intéressant. Et puis je l'ai choisi aussi parce que les colocs, c'est un groupe québécois que j'adore, qui est méconnu en France, mais qui est hyper connu évidemment au Québec. Tout le monde connaît les colocs, même si malheureusement ce groupe n'existe plus aujourd'hui. Il a eu ses heures de gloire dans les années 90. Et en plus, cette chanson, je la trouve particulièrement belle parce que elle mélange des cultures. Finalement, on voit qu'il y a le texte français, l'esprit québécois, le chanteur québécois, et en plus des voix wolof, donc africaines. Donc ça, c'est les colocs qui ont réussi à faire ce bain culturel absolument, absolument magique. Et je trouve que c'est dans la diversité qu'on trouve la beauté. Voilà. Et donc bah, on va le trouver dans les paysages, et on va le trouver aussi dans la musique. Génial, ouais, et, c'est clair. Je voulais donc... Ce morceau, et puis finalement ça me donne l'occasion de passer un bonjour amical à mes amis de Rivière-du-Loup, à mes amis que j'ai connus à Rivière-du-Loup. Vas-y, et ouais. Dont j'ai un souvenir encore très vif, et ils étaient en plus pour la plupart donc ces étudiants qui logeaient à l'auberge de jeunesse, étudiants en projet multiculturel. Et ils sont allés en Afrique en plus pour la plupart. Donc c'est, voilà, cette chanson c'est pour eux. Je passe le bonjour à Marie-Henri Richon, Sophie Gontier, Geneviève Bouchard, Anne-Marie Vigean, Martin Janvier, Martin et Denis, les employés de l'auberge de l'époque, Julie Cloutier, Julie Brûlé, Christine Dupuis, Claude Trépanier et Élise Gravel. Bonjour les amis, je vous ai absolument pas oublié. on leur souhaite qu'ils aillent bien, et on leur enverra le podcast. Ça marche. Super. Donc tu nous as expliqué pourquoi le choix du groupe. Si tu veux, on peut passer à l'actualité du moment, pas avec une émotion que tu as voulu nous faire part, ce qui est la compassion envers la souffrance des animaux sauvages. Oui. Face à tout ce bouleversement climatique, alors tu m'as dit que leur sort te bouleversait, car face au changement climatique, ils en subissent les conséquences, par exemple en périssant lors de feux de forêt, ou j'ai rajouté par étouffement dans un sac plastique. C'est que deux exemples, mais il y en a beaucoup. Et le plus dramatique, si j'ai bien compris, c'est pour toi, c'est qu'ils n'ont aucune conscience de ce qui leur arrive. Oui, c'est ça qui... Finalement, on est tous affectés par le changement climatique. On en souffre énormément quand, par exemple, il y a un épisode de canicule, et on en a connu deux à Nancy il y a quelques mois. Et finalement, les animaux aussi dans la forêt, les animaux sauvages, ils souffrent de ces conditions-là. On n'y pense pas, mais la sécheresse les tue, la chaleur peut les tuer également, l'absence de nourriture peut les tuer. Et les oiseaux, aussi bien que les petits mammifères, etc. Et finalement, je crois que c'est important aussi d'en avoir conscience de ça. Et moi, j'en ai peut-être une conscience particulière parce qu'il se trouve que j'ai fait du scoutisme et j'en suis d'ailleurs encore membre actif dans le groupe des éclaireuses et éclaireurs unionistes de France à Nancy. Ouais. Et j'ai été totémisé, c'est-à-dire qu'en fait, on m'a donné un nom d'animal quand j'étais jeune et on m'a appelé chevreuil. Wow. Ouais. Et donc, en fait, finalement, cet animal, c'est, je sais pas, c'est un ami pour moi, c'est un compagnon de vie. Mmh. À la fois c'est un animal qui peut m'inspirer et qui m'aide, qui me donne sa force, qui me donne ses qualités et je me sens proche de lui. Mmh. Et donc j'ai la compassion aussi pour les chevreuils qui souffrent au fond de la forêt. Mmh. Ben oui, bien sûr. C'est un peu bête, mais... Non, il n'y a rien du tout de bête. Au contraire, c'est quelque chose de touchant, en fait. Et je trouve d'avoir comme ça un animal totem, c'est... Moi, j'adorerais, en fait, savoir quel animal totem... Ça peut se travailler. Ouais. On peut le trouver. Et t'en as déjà vu ? Oui, bien sûr. Ouais. À chaque fois, je suis assez ému d'en voir, bien sûr. Et c'est vrai que, comme lui, tu disais, t'aimes te balader dans la forêt parce que t'as un calme intérieur, en fait, quand tu es en forêt. Oui, c'est vrai. C'est sans doute de là que... pour ça qu'on m'a appelé chevreuil. Mes chefs ont compris que j'avais une sensibilité pour la forêt. Et puis, j'aime bien me retrouver seul dans la forêt, effectivement. Je pense, comme pour beaucoup de gens, c'est quand on est seul dans la nature qu'on a beaucoup d'émotions. Mm. Et j'avoue que j'aime bien aller me balader. Et des fois, quand ça va mal, ça m'est arrivé aussi d'aller dans la forêt, de m'asseoir, voire de m'allonger au pied d'un arbre. Là, je sentais quand même que la paix revenait en moi, comme un chevreuil. Ouais. Ça fait un peu comme on appelle ça maintenant la sylvothérapie, mais ça vient un petit peu même des Japonais, parce qu'ils appellent ça, alors attention l'accent, shirin-yoku, je sais pas, ça veut dire bain de forêt. Et maintenant, on voit bien que ça peut participer à la baisse du stress, augmenter le bien-être général... avoir même de être relaxé, enfin donc c'est en fait tu faisais de la sylvothérapie depuis longtemps quoi. Ouais, c'est ça. Et alors je sais que tu avais un poème aussi que tu voulais nous faire partager. Est-ce que ouais, d'accord. Bien sûr. Allons-y. Bah en fait, ouais. Oui, alors sur le thème de du changement climatique et de la canicule, on a eu un épisode de canicule à Nancy, toute la France au mois de juin. Ouais, ouais. Et puis une nuit, j'étais en nage, j'étais en train de vouloir bosser d'ailleurs, il fallait que je prépare quelque chose pour le lendemain, normalement en train de censé bosser, mais il y avait cette canicule qui m'a tapé un peu sur le système, puis du coup j'ai entre guillemets pondu un poème en quelques heures en fait, donc il n'est pas forcément très élaboré, mais ça traduit aussi ma sensibilité par rapport par rapport à la canicule, alors voilà, et au changement climatique, alors je vous le lis. Salut à toi nouveau climat, salut à toi monstre dragon, il serait vain que nous fuyions. Partout, tu nous rattraperas. Nous apprendrons à te connaître, à t'accepter, à faire avec. Que les torrents grondent ou soient secs, de nos vies, tu seras le maître. Certains veulent encore te dompter. Trop tard, création, tu es né, et rien ne saurait t'arrêter. Cherchons juste à nous protéger. Devant cette nature transformée, pleurons l'anéantissement de ce monde que nous aimions tant. Pourquoi avons-nous échoué? Tu n'es encore qu'un dragonneau. Si tes premiers souffles brûlants laissent prévoir le futur géant, on peut espérer un sursaut. Que les hommes cessent de te nourrir avec tout leur gaz carbonique, que la sagesse soit chose publique, que le monstre cesse de grandir. Salut à toi, nouveau climat, salut à toi, vaste créature, fruit de l'homme, de la démesure. Vivons avec toi, puisque tu es là. Ouais, mais c'est très, très touchant même d'entendre, parce qu'on sent que ça vient des tripes, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Une forme de résignation. C'est vrai que, personnellement, je pense que, comme beaucoup de gens, ces périodes de canicule, je les ai mal vécues. Il y a un moment donné, j'étais dehors 10 minutes. J'ai cru que j'avais plus d'eau dans le corps, quoi. Ouais. Il y a eu un moment de stress, je sais pas si on dit stress hydrique, un stress... Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ? C'est terrible. Je pense qu'effectivement, énormément de gens, je pense quasiment tout le monde, l'a vécu de manière assez dramatique, ces épisodes de canicule, parce qu'on ne sait pas quoi faire. Non. Quand il fait froid, à la limite, on peut se protéger du froid. Quand il fait chaud, on peut se mettre nulle part, à part peut-être dans une cave. Ouais. Mais on se sent assiégé. Il y a cette angoisse. Et, Et donc je pense qu'il faut arriver à lâcher prise un petit peu, à accepter qu'on maîtrise rien et, et que voilà, l'environnement se transforme. Oui, il faut agir, mais à un moment donné, il faudra quand même aussi accepter que les choses se transforment, bien qu'on ne le veuille pas. Et alors, on va passer à ce deuxième choix musical. Je pense que bah, le titre est intéressant. On va écouter les Vulgaires Machins. Et le titre, c'est « Personne n'a raison ». Rien à dire, laissez faire et revenir au même point, au même état qu'hier. Les deux pieds plantés sur une chaise, le cœur à l'envers. Encore le réel qui me court après pour m'enfermer, jeter au d'écouter Vulgaire Machin, Personne n'a raison. Alors vous êtes bien sûr Fadjet, l'émission La Nature et moi, et nous sommes toujours en compagnie d'Eric qui nous a fait partager son expérience émotionnelle face à la catastrophe environnementale. Alors donc tu avais choisi l'émotion, la souffrance des animaux sauvages, donc le lien aussi avec la musique, enfin et cette chanson. Bah, c'est une chanson encore une fois québécoise, donc là on est sur c'est le thème du Québec. Ouais, ouais. Et parce que Vulgaire Machin, c'est un groupe de punk rock québécois, bon, qui n'existe plus aujourd'hui, mais les chanteurs continuent leur carrière solo. Et là, cette chanson, elle évoque finalement le fait que, enfin, personne n'a raison. C'est-à-dire, moi, je trouve que c'est important de douter finalement et de pas face aux événements qui arrivent, de perdre un petit peu pied, de se sentir perdu, c'est normal, c'est même sain. Et ceux qui seraient trop sûrs d'eux, à mon avis, faut s'en méfier. C'est clair. Alors pour terminer en fait l'émission, tu avais choisi le livre d'un dessinateur, donc Alessandro Pignocchi, avec son petit traité d'écologie sauvage. Alors lui, c'est un chercheur en sciences cognitives et philosophie de l'art, et donc il a étudié les mécanismes psychologiques qui sous-tendent l'appréciation des œuvres d'art. Et donc lui, il a décidé un jour de séjourner chez des Indiens. À Chuar, après je ne sais pas où c'est. Oui, c'est en Amérique du Sud. Là, en Amérique du Sud. Et donc, il a, à travers la bande dessinée, il racontera son expérience, mais il a écrit deux romans, dont Le Petit Traité d'écologie sauvage. Donc, tu voulais nous en lire un petit passage. Oui, voilà, j'ai choisi cette œuvre. Donc, Petit Traité d'écologie sauvage, c'est en fait un livre qui est fait d'aquarelles. Ouais. Donc, Alessandro Pignocchi est à la fois chercheur et en même temps dessinateur. Ouais. Et il a, dans ce livre, imaginé ce que serait notre monde si on adoptait le point de vue animiste des peuples d'Amérique du Sud. Et c'est, voilà, c'est très humoristique et en même temps, c'est très, très profond comme réflexion. Alors là, par exemple, je vous décris un petit extrait, puisque ce sont des images. Donc on voit une voiture, une grosse berline qui roule dans la campagne. Puis il y a Pouic. Ah. La voiture vient d'écraser un petit animal. Oui. Le ministre à l'arrière. Pourquoi s'arrête-t-on ? Nous venons d'écraser un hérisson, monsieur le Premier ministre. Merde. Faites demi-tour, il faut le manger pour permettre à son âme Wakan de retourner auprès de son esprit protecteur. Oh, et puis j'en ai marre de me déplacer en bagnole et en avion. Je vais y aller en vélo au rendez-vous d'Angela. Appelez-la pour reculer de 2 mois. Bien, monsieur le Premier ministre. Voilà. Waouh. Ben, j'adore les phrases. Enfin, ouais, je m'y croyais. Ben, c'est génial. Ouais, donc j'encourage les gens à lire ce petit traité parce que voilà. Et si la société peut-être changeait de point de vue par rapport à la nature et avait ce respect pour la nature qu'ont les peuples d'Amérique du Sud, bien peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Bah, c'est vrai que sur le site de France Culture en 2017, Alessandro Pignocchi a donné sa vision de la culture occidentale. Il disait « Dans la culture occidentale, cela va de soi que quelque chose appelé nature existe. Même les défenseurs de la nature chez nous proposent par exemple de créer des parcs nationaux pour la protéger, mais c'est déjà la considérer comme un objet et lui attribuer des fonctions. » En Amazonie, dire que les hommes sont proches de la nature est un abus de langage, car ils n'ont pas d'idée de nature. Il n'y a aucun mot dans aucune langue amazonienne qui sera une traduction du concept de nature. Les plantes et les animaux sont considérés comme des partenaires sociaux. C'est une façon de voir le monde si différente de la nôtre que lorsqu'on fait l'effort d'imaginer à quoi ressemblerait le monde si on le voyait comme ça, ça nous permet de prendre un pas de recul par rapport à nous-mêmes. Parole sage. Alors voilà, on arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup, Eric, de nous avoir fait partager tes émotions et ton expérience. Merci à toi, Claire. Merci beaucoup de proposer cette émission qui est très intéressante. Ben, merci, ça me touche. Alors, chers amis, je vous rappelle que l'émission est podcastée. Et pour y participer, c'est très simple. Rendez-vous sur le site de Fadjet ou sur ma page Facebook « La nature et moi ». Vous y retrouverez des références culturelles, sociales et musicales. En attendant de partager avec vous un autre moment émotionnel, je vous souhaite une très bonne soirée et surtout n'oubliez pas, laissez-vous émouvoir par la nature. À bientôt, ciao. Au revoir.